إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله وتوبوا إلى الله من الذنوب والمعاصي واحذروا من الأمن من مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ومكر الله هو إيصال العقوبة إلى من يستحقها من حيث لا يشعر وهو عدل منه والله تعالى يقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فالمكر في حق الله عدل وجزاء يحمد عليه أما المكر من المخلوقين فهو مذموم لأنه بغير حق والمكر من الله نظير الاستهزاء يقول تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ونظير السخرية فيسخرون منهم سخر الله منهم ونظير الكيد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ونظير النسيان نسوا الله فنسيهم فهذه أمور تنسب إلى الله من باب المقابلة والجزاء فهي عدل منه حيث إنه ينزلها في من يستحقها فهي عدل منه سبحانه وتعالى بخلاف هذه الصفات من المخلوقين فإنها مذمومة لأنها في غير محلها ولأنها ظلم للمخلوقين قوله تعالى أفأمنوا مكر الله هذه الآية في سياق ما ذكره الله عن الأمم الكافرة التي أحل الله بها عقوبته من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف ثم قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون عندما يقول سبحانه وتعالى بالبأساء والضراء أي الشدائد من الجوع والخوف والقحط وغلاء الأسعار يفعل الله ذلك بهم لعلهم يدعونه ولعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون ويعلمون أن ما أصابهم بسبب ذنوبهم ولكنهم لم يرجعوا ثم الله استدرجهم بالنعم لما لم يرجعوا عن النقم استدرجهم بالنعم قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة أي بدل الشدة والجوع والخوف بالحسنة وهي الغناء والسمع والثروة استدراجا من الله لهم حتى عفوا يعني حتى كثروا وزادت قوتهم ونموا وطار لهم قوة واغتاروا أو واغتروا بهذه النعمة، فهم لم يتوبوا عند النقمة ولم يشكروا عند النعمة، وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء، قالوا هذه الأمور تجري عادة مرة رخاء ومرة شدة، ولم يرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما أصابهم من العقوبات بسبب ذنوبهم، وأن ما أصابهم من النعمة فهو فضل من الله سبحانه وتعالى، بل نسوا ونسبوا هذا إلى العادة، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هذا هو المكر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أخذهم في مأمنهم حيث لم يتوقعوا العقوبة. وفي هذا تحذير لنا من الله أننا لا نغتر بهذه النعم وهذه الثروات وهذه الساعة، فنغفل عن شكر الله ولا نعمل بطاعة الله ولا نخاف من العقوبة ومن زوال هذه النعم. ثم قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالنعم إذا كانت مع معاصي ومع ذنوب فهي استدراج، وإذا كانت مع الطاعات فإنها نعمة من الله وعون على الطاعة. ثم قال: أفأمنوا مكر الله؟ وهذا استنكار من الله على من يغتر بالنعم وينسى العقوبة، وأن يأخذهم أو أن يأخذهم على عزة وهم آمنون منعمون، ثم ينقلهم من النعمة إلى النقمة، ومن الصحة إلى الألم والمرض، ومن الوجود إلى العدم. فلا يأمن مكر الله، أي لا يأمن عقوبة الله التي تنزل على خفية ومن غير تأهب ومن غير توقع لها إلا القوم الخاسرون الذين حقت عليهم الخسارة التي لا ربح معها أبدا ولا نجاة معها أبدا. وفي قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، فهو استفهام إنكار لمن وقع منه ذلك. فالأمن من مكر الله يستلزم عدم الخوف من الله، كما يستلزم الاستمرار في المعصية والزيادة منها، ويستلزم ترك التوبة والرجوع إلى الله، وهذه حالة الأشقياء من الخلق. فلنتذكر ولنأخذ من ذلك عبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عباد الله، le sujet de la khutba aujourd'hui, c'est de rappeler aux musulmans de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir de leurs péchés et de ne pas se sentir en sécurité contre les ruses ou bien contre les stratagèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amn min makrillah, c'est-à-dire de se sentir en paix et en sécurité des châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien de la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, on parle du fait que Allah subhanahu wa ta'ala parfois il fait que son châtiment tombe sur certains des individus qui commettent des péchés sans qu'ils s'en aperçoivent, parce qu'ils ont mérité ces châtiments-là du fait qu'ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les punit sans même qu'ils s'en aperçoivent. Et parfois, beaucoup d'entre nous, on oublie ça et on se laisse tromper justement par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne toutes sortes de facilités dans cette vie d'ici-bas et nous donne de l'argent, il nous donne des biens, il nous donne la santé, il nous donne la facilité dans les choses de la vie d'ici-bas. Et donc, à cause de ça, on s'imagine que ça y est, on est en sécurité. Et on persiste à faire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de faire. On continue à désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Et par la suite, étant donné que tout va bien dans notre vie, que ce soit dans la vie, dans notre vie personnelle, sur le plan de la santé, sur le plan de l'économie, par exemple, si on a de l'argent suffisamment, puis on est en sécurité sur ce plan-là, eh bien, on s'imagine que ça y est, que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de nous. Et donc, ce verset-là, il vient pour, en réalité, où ces paroles-là viennent nous remettre en ordre, venir nous rappeler que parfois, il se peut qu'on est en train de se faire châtier par Allah subhanahu wa ta'ala, et on est en train de se faire punir par Allah subhanahu wa ta'ala, sans même qu'on s'en aperçoive. C'est-à-dire que parfois, on est en train de se faire punir, mais on n'est pas conscient de la punition qui est tombée sur nous. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset-là, dans le verset dans lequel il dit « فَلَا يَعْمَلُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ » C'est uniquement les peuples qui sont perdus, qui se sentent en sécurité du châtiment et du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il fait tomber son châtiment sur des individus qui méritent ce châtiment-là à cause des désobéissances et des péchés qu'ils ont faits, et ils ne s'en aperçoivent pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne ça parce que ça fait partie de sa justice. Et il donne des versets dans le Coran qui ont le même sens. وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ C'est-à-dire, ils ont rusé. Et Allah subhanahu wa ta'ala également, il a sa ruse et il a son complot lui aussi. Et Allah, c'est le meilleur des comploteurs. Et il y a d'autres sens aussi à ce verset-là, et d'autres versets dans lesquels on a l'exemple, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il remet à ceux qui ont désobéi et qui ont fait des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala leur remet qu'est-ce qu'ils méritent du fait qu'ils ont, par exemple, ils se sont moqués des croyants, et bien à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala se moque d'eux. Ou bien, ils ont fait des ruses contre les croyants, alors Allah subhanahu wa ta'ala fait que leur ruse retombe sur eux. Et donc ça fait partie des choses que Allah subhanahu wa ta'ala fait par rétribution, par rapport à ce que les gens ont mérité, par rapport à leurs actions. Et donc c'est une justice de sa part pour ceux qui l'ont mérité, et c'est une chose pour laquelle il doit être loué, Allah subhanahu wa ta'ala. Afa aminu makra Allah. Est-ce qu'ils ont été en sécurité contre la ruse et le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ce verset est venu dans le contexte dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il est en train d'expliquer qu'à chaque fois que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé des messagers à des peuples pour les avertir et pour leur rappeler, pour les appeler au tawhid et à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et pour qu'ils abandonnent le shirk et l'adoration des choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour les inviter à suivre les messagers, eh bien ils ont rejeté ce message-là, et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait tomber sur ces différents peuples des châtiments de sa part, que ce soit le peuple de Noé, ou de Hud, ou de Salih, ou de Lot, ou de Shu'aib, et des autres peuples qui sont mentionnés. Et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et nous n'avons pas envoyé un messager à un peuple, ou un prophète, excepté que nous avons pris ses habitants par l'adversité et la détresse, pour qu'ils puissent revenir à Allah subhanahu wa ta'ala en repentant et demander pardon pour les péchés qu'ils avaient faits. Puis Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, après les avoir fait goûter des détresses et des adversités et des problèmes, et qu'ils ne se sont pas repentis, il leur donne de la facilité et il leur change leur situation de mal vers une situation qui est bonne, et jusqu'à ce qu'ils oublient et qu'ils continuent, ils deviennent plus forts, ils deviennent plus nombreux, et ils s'imaginent que ça y est maintenant, le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala les a épargnés. Et c'est à ce moment-là que Allah subhanahu wa ta'ala les saisit, et au moment où ils ne s'en aperçoivent pas. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il fait tomber sur des peuples toutes sortes de difficultés, que ce soit des famines, que ce soit de la crainte, de la faim, que ce soit l'inflation ou l'augmentation des prix ou autre chose. Tout ça, c'est des châtiments que Allah subhanahu wa ta'ala fait tomber sur les peuples pour qu'ils puissent invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, demander pardon pour leurs péchés et revenir et cesser de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. tous les malheurs qui se produisent aujourd'hui dans les pays musulmans, ça c'est tout le résultat des péchés que nous on a commis, et des péchés que nous on a fait. Et Allah SWT a dit ça dans plusieurs versets dans le Coran. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Tout ce qui vous a atteint de malheur dans vos vies, dans vos personnes, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Donc ça, c'est des choses que nous, on oublie. Et on s'imagine qu'on mérite la miséricorde d'Allah, et qu'on mérite sa récompense. Et quand un malheur arrive à certains d'entre nous, on dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme si Allah était injuste envers eux. Et comme s'ils avaient rempli toutes leurs obligations et tous leurs devoirs envers Allah, et qu'ils n'avaient rien à se reprocher en eux-mêmes. Et ça, c'est un des problèmes qu'on a, nous, les musulmans. C'est qu'on a l'habitude, on a la mauvaise habitude, disons, de penser qu'on prend tout pour acquis et on s'imagine qu'on est correct dans notre religion et que Allah est satisfait de nous. Et ça, c'est la pire des ruses que le shaitan peut utiliser contre nous. Donc, on doit se rappeler toujours de se remettre dans la balance et de mesurer nos œuvres et nos actions et notre sincérité envers Allah. Par la suite, Allah, comme on a dit, il les a saisis et il a remplacé le bien qu'ils avaient par un châtiment qui les a pris tout d'un coup et ils ne s'en attendaient même pas. Et nous maintenant, on est surtout dans cette société qui n'est pas une société musulmane et on a beaucoup de facilité, beaucoup d'aisance. Hein. Tandis que quand on va dans des pays musulmans, parfois on trouve de la difficulté. Le climat, il fait chaud, les gens sont dans la pauvreté, parfois on a des difficultés dans tous les sens. Et quand on vient ici, on dit « Ah, alhamdoulilah, maintenant on a du bien ». Et on s'imagine peut-être que ça c'est une grâce que Allah nous a fait de nous permettre d'être ici. Alors que peut-être que non. Peut-être que justement c'est Allah qui nous fait une ruse parce qu'on l'a désobéi et il nous punit sans même qu'on s'en aperçoive en nous permettant de venir dans des endroits comme ici où tout ce qui est dans la société est contraire à l'islam, est contraire à ce que Allah nous ordonne de faire. Et on s'imagine, nous, que c'est un bien pour nous, alors que c'est un mal pour nous. Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous égare encore plus. Hein? Et il nous laisse entrer dans l'égarement de plus en plus, sans même qu'on s'en aperçoive, nous, nos enfants et notre famille. Et on ne réalise même pas ça. Tandis que dans les pays musulmans, peut-être qu'on a des difficultés économiques, des problèmes de différents aspects, mais tout ça, c'est à cause de nos péchés. Et les gens persistent à vouloir faire les péchés, et ils ne veulent pas se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ça continue pour ça, comme ça, et les gens ne veulent pas accepter de comprendre que c'est à eux de faire un changement en eux-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple jusqu'à ce qu'ils aient changé ce qui est en eux-mêmes. Donc tout ça, c'est des versets pour nous faire réfléchir et pour nous rappeler de ne pas prendre les choses pour acquis, de toujours se mettre dans la balance, de toujours avoir peur du fait que si on est en train de faire des péchés et qu'on voit que notre situation personnelle s'améliore, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de nous châtier puis qu'on ne s'en aperçoit pas. Si tu vois que tu as du bien, de l'argent, des richesses, des enfants, de la santé, tout ce que tu veux, tout ce que tu désires dans cette vie, et que tu es sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu es sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu appliques le tawhid d'Allah, et que tu es sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et que tu t'écartes des innovations et des bid'ah, alhamdulillah, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a fait une grâce. Et il te donne ces grâces-là parce que c'est une grâce de sa part, et c'est un bien qu'il veut te faire. Mais si tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala te facilite les portes, il t'ouvre les portes, il te facilite les choses dans la dunya, mais qu'en même temps, de ton côté, tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ta femme ne porte pas le hijab, toi tu ne suis pas les règles de la charia en toi-même, et tu désobéis, tu retardes la salat, tu travailles, mais tu négliges ta famille, tu négliges tes enfants, tu négliges tes responsabilités premièrement envers Allah, et envers ta famille, et envers tes proches, et puis ensuite tu t'imagines que tout va bien, ça peut-être que tu es en train de t'égarer et que tu ne t'en aperçois même pas. Enfin, aminu makra Allah. Et donc, est-ce que vous avez été en sécurité contre le châtiment d'Allah? Et ça, c'est un rappel donc pour nous repenser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cesser de vivre dans notre insouciance, de ne pas être parmi les rafiloun, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit comme étant des indifférents ou des insouciants, qui ne prennent pas des leçons